moins 12, toi. Moins 18, ça veut dire quoi? Faut que je monte, alors. Là, je suis pas en face du micro. Feignant, je mets un capot d'astre. 1, 2, 3, 4, 5, 6ème case. Moi, je serais meilleur que Paulos. Attends. C'est ça là, ce morceau Teen Lazy. On va faire du Titi Leslie.